semaine dans le brouillard. Alors fini l'enfer et la galère, et la galère. Ah et ma mère, ce soir y'a confetti sur les boulevards. Viva la bodega, la sangria, a explosé la nuit en entraînant les plus jolies. Églantine, Coraline, Clémentine, Géraldine, y'a pas de mal à se faire du bien, même leur maman l'ont fait aussi. Mélusine, Jocelyne, Mazarine et Safrangine. Jusqu'au petit jour on ira faire la fiesta, la fiesta. On va danser les levées, nos verres. La fiesta, la fiesta. Ce soir on est les rois de la terre. La fiesta, la fiesta. On finira la tête à l'envers. La fiesta, la fiesta. Zouké, zouké. Sonnera lundi matin, c'est sûr, y aura petite mine, pas très clean, calamine, tête fouine. Et on fera tout ce qu'il faut pour que tout ça, ça ne se voit pas. Aspirine, mandarine, vitamine et nouveau jean. Et samedi prochain, on ira faire la fiesta, la fiesta. On va lancer le verre au verre. La fiesta, la fiesta. Et on sera les rois de la terre. La fiesta, la fiesta. On finira la tête à l'envers. La fiesta, la fiesta. Et samedi prochain, on ira faire. Come on! Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. À vous toutes, voilà donc, il est 13h30, voilà donc, et bien nous sommes déjà le dimanche, et puis aussi nous sommes pour l'accordéon. Voilà donc, et bien j'espère que vous allez bien, tout simplement du côté santé, puis d'autres, tout simplement avec que vous avez passé un bon samedi, un bon dimanche, et puis j'espère que vous allez continuer pour l'accordéon de l'après-midi. Voilà, avant de tout simplement bien continuer l'émission, tout simplement un petit merci avec Antonio, avec l'émission entre 8h jusqu'à 10h et que vous allez retrouver dimanche prochain. Et puis ainsi, tout simplement, Jérôme avec le téléphone sonne entre 10h jusqu'à 12h30, que bien sûr, vous allez le retrouver la semaine prochaine. Voilà donc, et bien pour nous, voici donc l'accordéon et voici tout simplement le passe-doble et puis juste après la valse. près de l'opéra, j'ai rencontré Dolores qui est très sympa. Elle m'a dit je vais danser avec mes copains. Viens avec moi, c'est super, on s'amuse bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert le bal espagnol. Il y avait une ambiance folle, au son des guitares, des airs populaires et puis des vivas. On a fait la fête, on a bu des bières et les sangrias. Moderne ou rétro, on danse tout au bal espagnol. Tango, passo, même des parandoles. Pour nous faire plaisir, l'encastre joue du flamenco. C'est un vrai délire et la foule crie bravo. Avec des mots simples et vrais, pour toi petite insouciante, pour toi la fille passionnée. Toi qui défends la vie d'antan, écoute mon accordéon. Il est joyeux, loin des banlieues, il chante la France et c'est bon. Et puis juste après le tango. Thank you. Thank you. Voici donc la marche Charleston et puis juste après la Java. L'accordéon. Arrivé ce jour-là, comme beaucoup de bougnats, à Paris gagner sa vie et livrer le charbon. Mais Paris, c'est pas l'Auvergne, c'est pas bien la joie qui règne. Quand il y a quelque chose qui va pas, heureusement il y a l'Auvergnat qui ramène sa java. Le bougnat l'interpelle avec sa boîte à frissons. Du barigot à la vie belle, au son de l'accordéon, c'est Duel, Molière, on fait chauffer les lampions. Thank you. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Donc après le Fox, voici le passe-double et suivi après tout simplement du Boléro. Thank you.

passe au du bal musette. Vas-y, joue des castagnettes. Et puis tire sur ton accordéon musette. Toutes les filles en goguette, du soleil dans les mirettes. Allure fière et souriante, lève la tête. Pirouette, tape du pied, c'est ibérique. Sans taureau, du mise à mort, cette danse est magique. Señorita. Le passo du bal musette, tu gondoles des gambettes. Pas besoin de torero, il suffit de crier olé. Olé. Et puis tire sur ton accordéon en musette. Toutes les filles en goguette, du soleil dans les mirettes. Allure fière et souriante, lève la tête. Pirouette, la queue du pied, c'est ibérique. Son taureau, l'unis à mort, cette danse est magique. Señorita. Le passo du bal musette, tu gondoles des gambettes. Pas besoin de torero, il suffit de crier olé. Et bien juste après, on écoutera tout simplement la tarentelle, et puis juste après, retour avec le fox. Voici donc la tarentelle. Thank you. c'était une nuit dans tes bras. Sobre la playa de la Costa del Sol. La romantica avec toi, señorita. Dans la noche pour ma belle espagnole. Comme une braise, tu enflammes ma raison. Tout disparaît soudain autour de toi. Si tu veux bien, je serai tout colossal. Toi, ma déesse, astronome de la playa. La romantica, c'est les vacances avec toi. Mira la luna de la Costa del Sol. La romantica, para mi señorita. Toda la noche, fumando en español. La romantica, c'est chaque jour dans tes bras. Un jour nouveau pour chanter mi amor. La romantica, te quiero por la vida. Dans la sierra, pour toi je chante encore. Quand tu pars, je suis perdu loin de tes yeux. C'est l'hiver dans ma vie en plein été. Mais quand tu reviens chez moi, oui, tu mets le feu. Mi querida, ce soir tu peux chanter. La romantica, oh señorita mia. Mira la luna, nell'astro dell'amore. La romantica, te quiero señorita. Toda mi vida, amor de mis amores.

Arc-en-ciel. festa de Saint-Flour. Tout le monde vient danser pour fêter pendant deux jours le plus grand bal de l'été. Les violons et les cadrettes vont s'endoler à cœur joie au paradis du Musette. L'accordéon est un roi, sa musique tourne les têtes. Des bourrées et des polkas, jamais la danse ne s'arrête. Des giguets, des mazurkas, à la festa de Saint-Flour, on s'y retrouve au mois d'août. On y vient depuis toujours pour s'amuser comme des fous. À la festa de Saint-Flour, le plus grand bal de l'été. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc le baillon et puis juste après, tcha-tcha. We'll be right back. Voici donc la bourrée, juste après Java. Thank you. Voici donc le tango. Thank you. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici le passe-double. Je connais un pays de Cocagne, tout là-haut perché sur la montagne. Il fait toujours bon s'y retrouver, entre amis afin de s'amuser. Une fondue peut nous accueillir, le soir à la veillée, quel plaisir. Au son de la tire-tire reviennent, on reprend tout sans que sans façon. Là-haut, sur nos montagnes, c'est beau, c'est merveilleux. On peut rêver à deux, de châteaux en Espagne. Le ciel est toujours bleu quand on chanson du bonheur qui nous rend si joyeux. Voilà donc, il est 15h57, et bien voilà, l'émission touche à sa fin. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé un bon moment avec les morceaux d'accordéon. On va se retrouver donc, et bien, dimanche prochain, tout simplement, mais dans les autres émissions, le mardi et vendredi, il y aura bien sûr d'autres morceaux d'accordéon, différents aussi. Voilà donc, mais pour l'émission d'accordéon, c'est le dimanche, et puis on se retrouve donc, et bien, dimanche. Voilà donc, et bien, je vous dis bon santé à vous toutes. Portugal continental e na Madeira, 2 horas nos Açores. Em destaque agora nas notícias. Amsterdão volta a viver momentos de tensão 3 dias depois.